Chapitre 19e. Rose avait repris sa petite maison de la ville basse. 48 heures seulement s'étaient écoulées depuis le moment où elle avait accepté l'offre d'André, et toute trace de son voyage à Paris avait déjà disparu. Florence, heureuse et rajeunie, trottait de la cuisine au salon, rangeant et dérangeant, et le plus souvent s'arrêtant pour contempler sa maîtresse avec des yeux ravis. Rose était grave et presque attendrie. Un parfum de jeunesse et de joie qu'elle n'avait jamais connu lui montait au cerveau et l'enivrait. Plus d'une fois, elle se rendit à la cathédrale pour voir l'autel de la Vierge où elle serait mariée. Elle avait peine à croire à cet avenir prochain et se demandait parfois si elle ne faisait pas un rêve. À coup sûr, ce n'était pas un mauvais rêve. André venait tous les jours vers 5 heures et passait une heure auprès d'elle. Il restait assis côte à côte, blotti dans un coin du canapé, la main dans la main, silencieux, suivant dans leur esprit leur roman de bonheur, qui pour tous deux n'était pas le même. Rose avait rompu avec Paris. À l'hôtel, pour mieux faire perdre sa trace, elle n'avait pas laissé d'adresse. André le lui avait demandé, elle avait consenti. Ne valait-il pas mieux, en effet, que rien de sa vie mondaine ne vînt la poursuivre dans sa retraite temporaire? Elle comptait bien reparaître sur la scène du monde avec l'éclat nouveau de son nom d'épousée. Elle espérait bien que les journaux parleraient d'elle et de ce romanesque événement. Mais pour le moment, André voulait autour d'eux le silence et l'oubli. Elle se conforma à son désir. Les bans, publiés au nom de Mademoiselle Sorel, mirent cependant tout Chartres en rumeur. Les versions les plus contradictoires coururent dans la ville. De hardis jeunes gens errèrent sous les fenêtres de la fiancée, mais sans l'apercevoir. De plus hardis encore bivouaquèrent sur la route, de l'autre côté des fossés, afin de la guetter quand elle se promènerait dans son jardin, peine perdue. Mademoiselle Sorel ne devait, belle ou laide, se révéler aux yeux de Chartreux que le jour de son mariage. Brun s'était promptement réconcilié avec sa femme. Par un trait de génie, il était venu à bout de lui persuader que les fameux vers étaient des vers de Juste André, composés jadis pour Rose Rosier et que lui, Brun, les avait récemment copiés par amour de l'art et signés par distraction parmi des papiers administratifs. André avait gardé le silence par crainte du ridicule. La fable était d'une invraisemblance inouïe, et si Madame Brun en avait lu le récit dans son journal, elle se fût récriée sur la bêtise de la personne qui avait ajouté foi. Cependant, débitée par Marcel, avec l'accent d'une conviction sincère et accompagnée par la preuve indiscutable d'un retour aussi prompt, Madame Brun s'en arrangea. Au fond, l'essentiel n'était pas que ce fût vrai, c'était que Marcel renia ses faux dieux, abjura ses idoles et revint au culte unique de son épouse, ce qu'il avait fait de tout son cœur. Et d'ailleurs, elle avait d'autres préoccupations maintenant. Mademoiselle Sorel, qui cela? Elle est donc invisible? Pourquoi ne la faites-vous pas connaître, monsieur André? La langue de Madame Brun était rapide et infatigable, mais André était impassible. À toutes les questions, il ne posait qu'une réponse. « Vous la verrez le jour du mariage et ensuite autant qu'il vous plaira. » Madame Langlois était au moins aussi curieuse, mais plus discrète. Elle ne questionnait pas. Son mari, qu'elle avait interrogé, lui avait répondu d'un air grave que ce silence obstiné cachait effectivement un mystère, et qu'elle en aurait connaissance quand le moment serait venu. Il fallut bien se contenter de cette réponse, qu'elle essaya aussi de discuter avec Marguerite. Celle-ci montra si peu d'empressement à discourir sur ce point que Claire y renonça bientôt. La veille du mariage, une longue caisse fut transportée du chemin de fer à la maison de Mademoiselle Sorel. Florence la fit déposer dans le salon, congédia les hommes et ouvrit les serrures. Rose, assise sur sa chaise longue, attendit avec patience que les papiers de soie et les mousselines fussent écartés. Puis elle vit lentement émerger du coffre la longue robe de satin blanc couverte de fleurs d'oranger. Il y en avait partout. En haut, en bas, sur la traîne, au corsage, jusque dans les remous des garnitures de tulle, mousseux et léger. La robe acheva enfin de sortir de son enveloppe, et Florence la coucha délicatement sur 2 fauteuils disposés en berceau. La couronne et le voile vinrent à leur tour, puis la vieille bonne recula de 3 pas et joignit les mains en extase devant cette merveille. « Dieu que c'est beau !» fit-elle à voix basse. « Que c'est beau, les fleurs ! Mais dis-moi, ma fille, tu vas mettre ça? Est-ce que tu ne crains pas? On dit que ça porte malheur de mettre des fleurs d'oranger. Tais-toi, dit Rose en se levant brusquement. Ne me parle pas de cela, jamais, entends-tu, Florence ? Ou tu me quitterais à l'instant ?»« ma fille, calme-toi » murmura la fidèle servante, terrifiée devant les yeux flamboyants et les lèvres serrées de l'enfant qu'elle avait élevé. « Jamais, tu entends ? Ce n'est pas arrivé. Si tu en parlais, soit à moi, soit juste André, je dirais à tout le monde que tu as perdu la raison, et on t'enfermerait comme folle. » Florence, épouvantée, regarda la comédienne, et ses mains tremblantes retombèrent à son côté. « Tu n'as pas besoin de me menacer ?» dit-elle avec douleur. « Ce n'est pas par crainte que je me tais, c'est par amitié. Il y a longtemps, Rose, que je me tais. Je me tairai bien encore. Mais si ton mari vient à savoir, c'est que tu lui auras dit. Toi seule peux le dire. » Florence branla la tête. Son âge s'était tout à coup appesanti sur ses épaules. Elle se sentait vieille à faire peur. « Je me tairai, ma fille, » dit-elle en essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues ridées. « Mais ce n'est pas la peine de me menacer. Si j'en ai parlé, c'est parce que, enfin, tu te maries. J'en suis bien fière et bien contente. Mais il me semble que ça aurait été plus honnête de le dire à ton mari. Il ne m'épouserait pas, » fit Rose avec amertume. « Allons, calme-toi, ma vieille amie, ne pleure pas. Je jouerai la comédie demain pour la dernière fois. Ensuite, il n'y aura plus de Rose Rosier. Dieu t'entende, » murmura la servante en se retirant sans bruit. Sa joie était tombée. La paix de Rose était détruite. Cet échafaudage artificiel venait de s'écrouler soudain, au contact des fleurs virginales. Elle regarda sa robe, puis se détourna et pleura silencieusement, la tête dans ses mains. Le lendemain, à midi précis, tout Chartres se trouvait à la cathédrale. Jamais fête pieuse n'avait attiré tant de fidèles. Pendant que le mariage civil s'accomplissait à la mairie, les bavardages allaient leur train sous les hautes voûtes, tempérés toutefois par le demi-respect du saint lieu. Participer au mariage et au baptême. Jamais un dimanche et même un jour ordinaire, on ne se permettrait de causer comme on le fait en attendant les époux. On dirait que ces jours-là, même pour les plus dévots, Dieu n'est pas dans l'église. La hallebarde du Suisse résonna sur le vénérable pavé. Un flot de lumière entra par la porte un instant ouverte. Les orgues tonnèrent, et le cortège nuptial se dirigea vers la chapelle de la Vierge. La longue robe de satin blanc traînait lentement sur les dalles poudreuses. Rose, le cœur indiciblement serré, s'avançait la tête baissée sous son voile rabattu de dentelle, qui la couvrait tout entière d'un nuage vaporeux. « Votre robe est trop belle, » avait dit André en la voyant. Cette parole avait fait saigner le cœur de la fiancée. « Trop belle, trop riche, en effet, pour une fille sans parents et sans fortune. Qu'allait-on penser de ce mariage ?» Rose n'avait point songé à cela. Elle n'avait envisagé que l'orgueil de son apparition royale aux yeux de ses bourgeois effarés. Et sa couturière, accoutumée aux somptueuses toilettes de théâtre, avait encore dépassé ses injonctions. Maintenant, cette robe splendide, ces fleurs qui l'entouraient de toutes parts, lui semblaient lourdes comme un suaire. Les chaînes d'oranger étaient vraiment des chaînes qui la liaient pour jamais à son mari, son maître. André ne pensait plus à la robe. Irrévocablement liée par le mariage civil, il ne songeait plus qu'à faire bonne figure devant tous les assistants, amis et ennemis. D'un instant à l'autre, allait s'élever un murmure, qu'il attendait, qu'il redoutait. Ils étaient arrivés à l'hôtel. Ils s'agenouillèrent un instant, puis la cérémonie commença. Les quatre témoins seulement, disait-on dans l'église, c'est donc une enfant trouvée? Elle a une robe superbe. Elle n'est pas mal. Mais c'est drôle, je connais cette figure-là. Moi aussi. Attendez donc, on dirait. C'est Rose Rosier. Rose Rosier. Le chuchotement, répété par 500 voix, parvint jusqu'à la mariée, qui tressaillit en s'entendant nommer. Elle eut peur, elle qui ne craignait rien. Elle frémit, en pensant que tout à l'heure il lui faudrait se retourner et voir face à face cette foule hostile. André la regarda, il était très pâle, lui aussi, mais il souriait. « N'aie pas peur, cher aimé, » lui dit-il tout bas, pendant que le célébrant lisait des prières à l'autel. Le bruit des orgues couvrit les voix. Les rumeurs s'apaisèrent peu à peu. On se contenta de dévorer des yeux les époux. Ils étaient irréprochables tous deux. On aurait dit qu'ils ne s'étaient jamais vus, ce qui, chacun le sait, est le suprême du bon ton. La dernière bénédiction donnée, le Suisse montra le chemin de la sacristie, et cette fois, quelques dames, plus curieuses ou plus tolérantes, se joignirent à leurs maris pour offrir des compliments aux mariés. Les groupes s'étaient formés dans l'église et l'on discutait la question de savoir s'il fallait excuser la trahison d'André, qui leur jouait ce tour, et saluer sa femme, ou bien s'il convenait de laisser aller seuls les hommes qui s'empressaient au point de se marcher réciproquement sur les pieds. Madame Langlois, très partagée entre le désir de faire plaisir à son mari qui aimait André et la crainte de se faire remarquer, hésitait fort et restait debout. « Vous n'allez pas y aller, ma chère ?» dit Madame Brun d'un ton courroucé. Claire allait répondre. À son inexprimable surprise, Marguite la prévint. « Pourquoi donc » dit-elle. « Madame André est très jolie. Elle l'air très comme il faut. Et si Monsieur André l'a épousée, c'est probablement qu'il l'aimait. Ceux qui l'aiment, lui, aimeront sa femme pour l'amour de lui. » Claire regarda sa sœur, toujours surprise. C'était la première phrase que la jeune fille eut jamais prononcée hors du logis. Marguerite rougit et ajouta « Allons Claire, cela lui fera plaisir. »« Ah, pauvrette !» pensa la jeune femme, en voyant disparaître des joues de sa sœur l'incarnat vif amené par l'émotion. « Elle l'a déjà trop vue pour son repos. Heureusement, elle est jeune, elle oubliera. »« Allons » ajouta-t-elle en prenant le bras de la jeune fille. « Voyons, Madame Brun, ne soyez plus méchante. » Madame Brun, au fond, mourait d'envie d'examiner Rose de plus près. Elles s'avancèrent toutes les trois près des époux. En les voyant, André éprouva un inexprimable soulagement. L'absence de ces dames lui paraissait le plus cruel des outrages. Leur démarche le rassurait sur toute hostilité future. « Ma femme, » dit-il en la présentant. Elles saluèrent pendant qu'il les nommait l'une après l'autre. Rose attacha longtemps son regard sur Marguerite et sur sa sœur. « Bien insignifiante, » pensa-t-elle, et elle leur sourit amicalement. L'instant d'après, les mariés roulaient en voiture vers la maison d'André, pendant que les groupes se dissipaient lentement par la ville en commentant l'incroyable nouvelle de ce jour.